Hey, vous autres, bienvenue au premier et seul podcast fait en français en Louisiane par des Louisianais. Moi, je m'appelle Joseph Ponce. Et moi, mon nom, c'est Chase Cormier. Et nous sommes deux jeunes franco-louisiens très fiers de notre langue. On vous invite à nous écouter sur notre Facebook, Charles Éveillé, et également sur notre chaîne YouTube sous le même nom. N'oubliez pas de nous liker et de nous souscrire pour être sûr de ne rien manquer. Et en plus, si vous avez envie de charler avec du monde à Lafayette, il y a un tas de tables françaises. Par exemple, mercredi matin, à 7h chez Dwyer's, Franco Happy Hour, mercredi soir à 5h au Worst Beer Garden, et bien sûr, rendez-vous francofou chez Bisbano jeudi soir de 5h à 7h. Ici, chez Charles Éveillé, on veut mettre les jeunes franco-louisiens en avant et normaliser le fait de parler français par les jeunes en Louisiane. Alors, prenez un bon tasse de café ou un verre de quoi que vous voulez et profitez de la média francophone louisianais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Chat éveillé, épisode 5. Et on est ici avec, c'est moi, Joseph Ponce, et avec mon co-animateur, Chase Cormier. Et on est là avec deux personnes. Alors Chase, qui est notre premier invité aujourd'hui? Premier invité, bonjour, Maggie Perkins de Colorfield. Maggie Perkins est née à Lafayette d'une mère cadienne et un père anglo-américain. Elle a passé la majorité de son enfance au ras de la Nouvelle-Orléans, mais sa famille retournait régulièrement à Lafayette pour voir ses grands-parents et ses cousins et le reste de la famille. Elle a vécu à New York, à la Nouvelle-Orléans et à Baton Rouge. Pas nouveau Baton Rouge, juste Baton Rouge, parce que les autres villes étaient nouvelles. Et à Poitiers, en France, mais Lafayette est toujours sa ville préférée, comme moi. Elle tient un doctorat en études française de LSU avec une concentration en linguistique. Elle a fait sa thèse sur l'identité linguistique en Louisiane francophone. Et moi, je connais Maggie depuis l'été 2016, grâce à Sainte-Anne. Moi, j'étudiais à Sainte-Anne et elle était enseignante de niveau débutant. J'ai fait deux sessions. Donc, au printemps, c'était avancé 1, mm-hmm. et puis en été, c'était débutant 1, ce qui est bien différent. OK, oui, je crois ça. Donc, bienvenue, Maggie. Merci. Et puis, notre deuxième, parce que cet épisode est spécial, c'est un épisode de Codophile, petit shout-out. Donc, on a deux personnes qui travaillent à Codophile. L'autre est Matt Mick. C'est important à noter que Matt est aussi le premier homme qu'on a ici sur... mais à part de moi et Chase. Ouh. Donc, Donc, Matt Mick est Louisianais par adoption, étant né en Floride. À l'âge de 10 ans, il a déménagé avec sa famille. Et après avoir passé la plupart de sa vie ici, il se sent bien chez lui en Louisiane. Il est diplômé en études francophones de UL et avant de travailler avec le Codophile, il a commencé sa carrière comme enseignant. Selon lui, la langue française l'enracine en Louisiane tout en lui offrant des branches vers le reste du monde. Alors bienvenue Matt, ici à notre podcast, Chat éveillé. Merci, ça fait énormément de plaisir. Et retournons à Maggie, ton parcours à propos du français, parce que tu as parlé un peu de où tu as vécu, mais à propos de la langue française, comment le français a fait un impact sur ton parcours? C'est plus ou moins tout mon parcours. Mm-hmm. Ça m'a toujours intéressé l'idée que mes grands-parents maternels parlaient une autre langue, même s'ils sont morts quand moi j'étais assez jeune, donc je n'ai pas parlé en français avec eux. Mais ma mère, comme tous les mamans de sa génération, tous les mamans nées élevées à Lafayette, elle dit des mots en français dans son anglais tout le temps. Et quand on quittait Acadiana pour aller au ras de la Nouvelle-Orléans, le monde là, ça comprenait pas certains mots que je disais, comme, je sais pas, grimy. Si j'avais une grimy sur la figure, comme un crumb, ma mère dirait pas, oh, you got a little schmutz, ou you got a little grimy. Elle dirait, you got a little grimy. Hey, you got a little grimy on your face. Mm. Et puis quand je disais des choses comme grimy ou kalimacha ou couillon ou toutes sortes de choses. Grimace. Ma maman dit toujours. Boudé, you better stop your boudé, little girl. Pour moi, c'est fouillé. Quand j'avais toujours. Quand on allait à McDonald's et on avait un petit jouet, je savais pas comment ça fonctionnait, maman disait, mais just fouillé with that. Alors, quand je disais ça autour de la Nouvelle-Lyon, il n'y avait pas beaucoup de monde qui me comprenait. Et je crois que ça a aidé, ça a augmenté ma fascination avec la langue française. Et j'ai demandé à ma mère de m'acheter une sorte de livre Cajun Self-Taught. Mais ce n'était pas Cajun Self-Taught, ça c'est Perdègue. Mais c'était un autre livre qui était noir et blanc. Je me rappelle plus le titre, mais c'était pour m'enseigner moi-même à l'âge de 9 ou 10 ans le français. Wow. Et ça n'a pas très bien marché. Je me rappelle d'avoir appris les mois de l'année, surtout parce qu'en Louisiane, on dit « aou » et pas « août », on dit « aou ». Donc, je me rappelle, c'était « aou » dans l'enregistrement. C'était comme un cassette tape. Yo, moi, je suis vieille, OK? Quel âge avais-tu quand tu as commencé avec le français? Pour vrai, pas juste un petit livre, à 14 ans, en 9e année au high school. Donc, j'ai fait français 1. Et puis, j'ai continué, j'ai aimé. Et je suis partie à New York pour étudier le théâtre. Et pendant que j'étais là, j'ai décidé que je ne voulais pas faire le théâtre pour la ville. Et aussi, la Louisiane me manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je regardais des vidéos des Lost by Your Ramblers, like, proche en pleurant. J'essayais d'expliquer à mes colocataires, like, no, y'all, I miss this so much. Et puis, je trouvais pas qu'ils comprenaient pas vraiment. C'était comme, no, garde ça. Et puis, je suis retournée après avoir fini avec le bachelor's, là. Et j'ai commencé grad school. J'ai commencé une maîtrise à LSU. J'ai juste continué. Puis, ça m'a donné beaucoup d'opportunités. Y inclus, j'étais libre pendant les étés parce que je faisais une maîtrise et un doctorat. Et juste avant la fin de grad school, j'ai postulé pour enseigner à Sainte-Anne parce qu'il y a tant de Louisianais qui vont à Sainte-Anne qu'ils aiment de temps en temps embaucher des enseignants et des enseignantes louisianais et louisianaises. Alors, tous mes amis ici dans le sud de la Louisiane qui parlent français proche, tout, ils sont tous allés à Sainte-Anne, au moins au high school. Sauf moi. À l'université, sauf Joe, ici, c'est Joseph. C'est souvent un sujet. Et c'était sauf moi aussi, oui, jusqu'à ce que j'enseigne là-bas. Mm-hmm. Et puis, je voulais comprendre. Je voulais, OK, tout le monde parle de soirée casino, ou soirée ci, ou soirée, oh ouais, OK, c'est la boîte à chansons. Bal-mall, you know. Alors, OK, de quoi il parle? C'est quoi cette magie dont il parle, là? Et puis, je suis allée et j'ai passé tous les trois mois, là, deux sessions et l'entre-session aussi. Je suis restée à la baie Sainte-Marie, où se trouve Sainte-Anne. Et je comprends, Esther. Je comprends la magie. C'est vraiment un endroit magique. Il y a pas d'autre place comme ça dans le monde, je dirais. Il y a une atmosphère, c'est bien joli, mais aussi, ils savent quoi ils font, là. Il faut créer une atmosphère où c'est OK de faire des erreurs, où tout est accepté, plus ou moins, parce que comme ça, le monde va parler. Ils vont pas avoir peur de faire une faute ou ne pas bien conjuguer un verbe ou quelque chose. C'est juste pour parler, pour s'amuser. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé mon temps là-bas. Donc, tu n'es jamais allé à Sainte-Anne comme étudiant? Non, non. OK. Comment est-ce que c'était différent d'enseigner à LSU? Parce que tu as enseigné à LSU pendant dans le programme de maîtrise. Et oui, je sais que c'était très différent, oh, oui, la façon d'enseigner. Premièrement, il y a une classe 4 fois par semaine à LSU, peut-être 1h50, quelque chose comme ça. Tu suis un curriculum assez normal. Mais Sainte-Anne, c'est intense. C'est intensif et c'est intense. Mais c'est... Donc, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut préparer 3 heures de classe chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi. Et c'est 3 heures avec le même monde dans la même salle. C'est comme, il faut vraiment s'efforcer pour rendre ça assez intéressant et ne pas perdre tes étudiants. Mais en même temps, c'est tellement le fun. comme les professeurs, ils font partie des ateliers aussi. Donc, moi et Tristan Barra, un Français qui enseigne à Sainte-Anne depuis des années, on a fait l'atelier de théâtre pendant l'été. J'ai fait l'atelier de culture, où on a fait des sorties avec Julie Frigo, une Acadienne, qui était animatrice là-bas. Donc, j'ai l'impression que j'étais étudiante en même temps, même si je n'avais pas de cours pour moi-même. J'apprenais des choses tout le temps. Ouais, c'est tellement le fun. Mais après 5 semaines, t'es fatigué, là. Oui, il faut une petite intercession après ça. OK, ben passé par Matt, est-ce que toi, t'es allé à Sainte-Anne? Oui. OK, donc encore, je suis la seule personne dans la salle qui n'est jamais allée à Sainte-Anne. Désolé. Moi, je suis allé pour faire le stage pour les enseignants. Donc, OK. C'est pas trop tard. Ah. Joe, c'est super intéressant, le stage pour les enseignants, si jamais c'est possible. C'était une bourse de Codofil? Non, en fait, c'était payé par mon école. À cette époque, j'enseignais dans une école privée ici à Lafayette. Ah, okay. Et c'était l'école qui a payé. Mais, si possible, je crois que Sainte-Anne offre des bourses pour les enseignants, pour le stage des enseignants, qui marche un peu en parallèle avec le stage d'immersion d'été. Okay. Donc, tu étais étudiant là-bas? J'étais étudiant à Sainte-Anne, mais à cette époque, j'enseignais ici en Louisiane. Donc, c'était un peu un stage de formation pour les enseignants. Mais j'avais des cours. La structure, c'est exactement la même chose que l'immersion pour apprendre le français. Ce sont des cours pendant la journée avec un atelier. Et l'après-midi, le soir, il y a des événements. Nous, les enseignants, on faisait partie des soirées et tout ça. Donc, c'est un peu l'expérience Sainte-Anne, mais pour les plus âgés, les adultes. Les enseignants qui travaillent avec la langue. Mais les enseignants à Sainte-Anne, Maggie, qui était enseignante, clairement, c'est la qualité des enseignants, enseignantes à Sainte-Anne, c'est incroyable. Notamment pour le stage pour les enseignants, les deux professeurs sont incroyables. Si jamais, Joe, tu as l'occasion d'y aller pour faire une formation pour les enseignants, Je le recommande fortement. Je suis même pas allé en Acadie. Jamais en Acadie, Joe. Au Québec, ni Acadie. Je suis mauvais, Louisiane. Il faut y aller. Je me rappelle les enseignants qui étudiaient à Sainte-Anne, ils avaient leur propre cours, oui, avec ces deux. Oui. Mais est-ce qu'ils faisaient les ateliers avec tout le monde ou ils faisaient ses propres ateliers? Donc, si je me rappelle bien, il y avait deux ateliers spécifiés pour les enseignants qui étaient des ateliers de... j'oublie quoi exactement, c'était comme like lesson planning ou quelque chose assez... Okay. C'était toujours assez pédagogique. Le soir, c'est toujours la fête avec tout le monde. Yeah, c'était les mêmes soirées. Et pour les enseignants, l'expérience était incroyable pour voir comment ça marche, l'immersion. Ça, c'était pour moi une grande partie de la valeur d'avoir fait le stage pour les enseignants, c'est de voir comment ça marche. Parce que ce qu'on faisait pendant nos cours, pendant la journée, c'était... Pourquoi est-ce que ça marche si bien à Sainte-Anne? Qu'est-ce qu'on fait à Sainte-Anne? Et comment est-ce que vous pouvez faire ça dans une salle de classe? Donc, c'était un peu pendant la journée, on étudie comment ça marche, Sainte-Anne. Mm-hmm. Puis le reste de la journée, on voit comment ça marche. Wow. Je sais qu'on prend beaucoup de Sainte-Anne, mais je veux ajouter une chose de plus parce que je crois que vous autres, c'était l'été. Et à la fin de la session de printemps, quand moi j'étais là, notre mère était là pour une semaine. Notre maire, président Joël Robideau, il est venu. Et pendant pauvre, une semaine? Oui, pendant pas? Une semaine à la fin, le pauvre, parce que même les débutants 1, ce qui est le premier niveau, quand ils arrivent, ils ne parlent pas du tout français, ça ne peut même pas dire bonjour, quelque chose comme ça. OK? Il était dans la classe des débutants 1, mais eux autres, ils avaient 4 semaines au moins de Sainte-Anne, et lui, il est arrivé avec rien du tout, le pauvre. Mais il a été un good sport. Un bon sport, on peut dire. Même le maire à Lafayette a fait un peu de Sainte-Anne. Il voulait voir comment ça marche, l'immersion. Mais il n'est resté qu'une semaine. Une semaine, yeah. Oui, c'était la dernière semaine de la session. Oui. Mais quand même. Il est pas mal occupé, le maire. Oui, j'imagine. Il est parti cinq semaines, oui, ça serait difficile pour lui. Il a signé le contrat, donc il ne pouvait pas parler en anglais, mais ils ont fait une exception. S'il sortait dans une petite salle, il recevait des appels importants comme pour signer une loi ou quelque chose. Il pouvait parler en anglais dans la madame, salle. Non, parle anglais. Non, mais c'était le fun. On était à une sortie et il était à la caisse pour acheter quelque chose dans la boutique de souvenirs. Et le caissier lui parlait en anglais. Et puis, il me regardait parce que moi, j'avais le droit, comme enseignante, de donner des avertissements, de punir, entre guillemets, le maire. Puis, il me regardait, et puis, il regardait le monsieur, et je dis, non. Pas d'anglais. Non. Puis, le monsieur a changé en français. Donc, t'as manqué ta chance de punir le maire. Non, mais j'adore le maire, les pieds. Il a bien fait. Eh bien, Matt, toi, tu es né en Floride. Alors, est-ce que le français vraiment est venu dans ta vie quand tu es arrivé ici en Louisiane? Yeah, donc mon histoire, c'est un peu pas compliqué, mais un peu différente. C'est que je suis né en Floride dans une famille 100% anglophone, mais avec quelques racines en Louisiane. Donc, 3 ans avant que moi je suis né, ma sœur est née à Baton Rouge. Donc, la famille était en Louisiane, a déménagé en Floride. Moi, je suis né. Et puis, quand j'avais 10 ans, la famille a déménagé back en Louisiane. Donc, c'était un peu Louisiane, Floride, Louisiane. Donc, oui, dans ma famille, il y a des racines louisianaises, mais anglophones. Donc, pour moi, la langue française ne faisait pas partie de mon héritage, de cette histoire. Mais pour moi, ça a commencé au lycée, au high school. Donc, en Louisiane, il faut suivre un cours de langue entre guillemets étrangère. Et j'ai choisi vraiment par hasard le français. C'était OK, avec le français, je peux aller en France, là où il y a du pain et du vin et la Tour Eiffel, et je peux voyager un peu, pourquoi pas. Donc, j'ai choisi par hasard le français. Et petit à petit, j'ai remarqué, les langues étrangères en général, c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'aime bien étudier. Donc, j'ai continué les 4 ans du lycée à étudier le français. Et finalement, je suis venu à Lafayette pour faire mes études à UL. Et au début, l'idée, c'était de faire mon major en cinéma. À cette époque-là, l'année 2008, il y avait le début du programme pour les arts médiatiques à UL, ici à Lafayette, à l'université. Mais finalement, à cette époque, il y avait un gouverneur que je nomme pas, qui voulait couper le budget pour higher education un peu partout. Donc, ce programme pour le cinéma, finalement, a pris trop de temps. Donc, il fallait décider à un moment donné, OK, je vais flipper mon idée et je vais faire mon major en français et mon minor en cinéma, en film. Donc, c'est grâce à ce gouverneur que je nomme pas. que tu es francophone maintenant. Wow, peut-être que oui, en fait. Non, c'était encore de la chance de venir à Lafayette et c'était vraiment... C'était plutôt à Lafayette que j'ai découvert la francophonie louisianaise. Et j'ai remarqué ça à Lafayette tout de suite. Je me rappelle si bien, j'ai remarqué, oh wow, il y a quelque chose ici qui n'existe pas à ce niveau à Baton Rouge. Bien sûr, il y a un peu d'héritage francophone partout en Louisiane, mais à Lafayette, c'est beaucoup plus visible qu'à Baton Rouge, où j'ai grandi. Donc, je me suis dit, oh, OK, le français, c'est quelque chose qui existe ici en Louisiane. Et, moi, je suis ancien boursier du Codophile. J'ai reçu une bourse Codophile en 2011 pour aller en Belgique, à Mons. OK. Et c'était un peu cette même expérience que Maggie a raconté, qu'il fallait partir pour voir la Louisiane d'un point de vue extérieur. pour me rendre compte, oh non, il y a vraiment quelque chose de spécial là-bas. Et c'était après cette expérience où j'ai commencé à me sentir vraiment fier d'être francophone louisianais, que parler français en Louisiane, de venir de la Louisiane, veut dire quelque chose de spécial. J'ai eu cette même expérience, mais à Liège, en Belgique, grâce à une bourse Codophile, parce que j'étais là avec Lindsay, une ancienne invitée de notre podcast, et d'autres mondes francophones de Louisiane, et où je me suis rendu compte vraiment que c'était quelque chose d'être fier. Ce point de vue extérieur, ça pourrait être un thèse ou pour un doctorat ou quelque chose. C'est quoi le rapport entre la Louisiane et la francophonie louisianaise et cette expérience d'avoir un point de vue de l'extérieur qui change l'opinion de la Louisiane? Comme c'est une expérience que nous tous en partage, il me semble. Donc, c'est assez intéressant. Et ça fait partie de mon expérience à moi aussi. Donc, et quand est-ce que tu as étudié à Mons? À Mons, c'était 2011, l'été 2011. OK. Pour moi, j'ai étudié à Mons aussi, 2017. Avec une bourse Codophile, oui, grâce à Codophile. Cool. Et à Mons, c'est une jolie petite ville. Mm-hmm. Yeah. Et j'ai eu la même expérience aussi avec l'accent louisianais qui était bien reçu par eux. Exactement. La Louisiane, ça veut dire quelque chose. Parlons des bourses Codophile. Maggie, donc vous deux, vous travaillez à Codophile. Alors, Maggie, qu'est-ce que c'est le Codophile? Codophile? J'imagine que tous ceux qui nous écoutent connaissent déjà. J'imagine, mais ça fait pas de peine. C'est le Conseil pour le développement du français en Louisiane. C'est un acronyme. Et ça a été commencé en 1968 par un acte législatif. Et c'est une agence de l'État de Louisiane. Beaucoup de monde pense que c'est une sorte de non-profit ou quelque chose, mais on fait partie du Lieutenant Governor's Office. Et puis, c'est chargé avec la communauté francophone en Louisiane, avec la langue française en Louisiane. Ils font beaucoup pour l'éducation, mais ce n'est pas le seul mandat du Codophile. C'est eux aussi qui font venir les profs d'immersion de l'étranger, les Belges et les Français et les Canadiens, les Africains, les Haïtiens qui enseignent dans les programmes d'immersion en Louisiane. Mais moi, je suis responsable du développement communautaire. Donc moi, je travaille avec des choses qui touchent à la communauté locale. Donc c'est moi qui parle beaucoup avec les tables françaises, qui sont les grassroots groups, si tu veux. Et je fais un calendrier là-dessus. Et je travaille pour un programme qu'on va nommer OUI, l'initiative OUI, ce qui était anciennement franco-responsable, qui essaie d'identifier toutes les entreprises en Louisiane où tu peux avoir un service en français. Donc, s'il y a un serveur à ce restaurant ou s'il y a un barista à ce café qui parle français, ou si tu veux un avocat qui parle français, si tu veux un dentiste qui parle français, un vendeur d'assurance qui parle français. J'ai même trouvé un masseur qui parle français. Donc, si tu veux un massage en français, ça existe, évidemment. OK. Wow. C'est intéressant. Donc, le Codophile, c'était beaucoup l'éducation dans le passé, mais son mandat a toujours été assez grand et assez... il y a beaucoup de différentes manières d'attaquer le problème de minoritaire francophone en Louisiane et d'aider la communauté. Ben, grâce à Codophile, on a tellement d'élèves, bon, anciens d'élèves d'immersion ou d'élèves d'immersion qui sortent de ce programme-là, qui cherchent du travail en français. Donc, je pense que c'est bien que Codophile commence à mettre en avant ces entreprises francophones. Ce qu'on remarque, c'est qu'on commence à voir la première génération des anciens élèves d'immersion. Le système d'immersion, ça date d'à peu près 25-30 ans. Donc, on arrive à ce moment où il y a des élèves d'immersion qui commencent une carrière comme enseignant, par exemple. Mm-hmm. Donc, Joe, si je comprends bien, toi, t'es un très bon exemple de ça, ancien élève d'Imadian qui commence à travailler dans le milieu francophone. Donc, on est arrivé à ce moment où on constate de plus en plus des anciens élèves d'Imadian en Louisiane qui se lancent dans le monde du travail. Donc, la mission, ça change pour s'adapter à ça. Et dans ma liste de l'initiative, oui, il y a beaucoup de coffee shops, de petits cafés, de restaurants, d'entreprises qui ont... Le francophone là-bas, c'est un ancien élève en immersion. Ben oui. C'est assez... J'en ai trouvé beaucoup jusqu'ici. Mm-hmm. Est-ce qu'on a des chiffres pour combien d'élèves d'immersion on a actuellement en Louisiane? Combien de quoi? D'élèves d'immersion actuellement? À peu près 5 000. Oui. OK. Un peu moins que ça, si je me rappelle bien, mais à peu près 5 000 en immersion en ce moment, parmi 33 programmes d'immersion un peu partout dans l'État. Oui, je crois que c'est 11 paroisses, ou 11 ou 12, j'oublie. 11 ou 12 Parce que le problème, c'est qu'on... Pour se rappeler le problème, en guillemets, c'est pas un problème, c'est une bonne chose. Mais c'est qu'on ajoute des programmes tout le temps. Comme cette année, ça a commencé dans le nord de la Louisiane. Ils ont même commencé un programme dans une partie de la Louisiane qui n'est pas historiquement particulièrement francophone. Lincoln Parish a commencé un programme d'immersion cette année, puis on va en ajouter un autre l'année prochaine. Puis ça va continuer. La paroisse Vermillon va commencer bientôt. Oui, c'est ça, la paroisse Vermillon. Et j'ai lu que la paroisse Saint-Amony, ils sont en train de faire genre une lawsuit. Oui, les parents là-bas, ils essaient de pousser pour l'immersion. C'est pas arrivé jusqu'ici. Ils n'ont pas réussi, mais ils continuent le travail là et... Je crois qu'il nous parle de temps en temps, j'imagine. Moi, je tiens à souligner avec l'immersion que ce sont les paroisses qui sont chargées avec ces programmes d'immersion. Le Codophile en fait le recrutement pour les enseignants, mais à part de ça, c'est chaque paroisse qui dit « on veut l'immersion ». Donc, c'est même pas le Codophile qui pousse l'immersion, ce sont les paroisses qui sont reconnaissants du fait que l'immersion française, espagnole, chinoise, quel que soit le cas, c'est quelque chose de valeur. Oui, mm-hmm. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose que le monde pense. C'est quelque chose de mal compris, je crois. C'est parce que souvent, si quelqu'un pense que tu travailles pour le Codophile ou tu es enseignant, non, il n'y a pas d'enseignant qui travaille pour le Codophile. Mm-hmm. Et c'est plutôt comme on est consultant pour les paroisses qui veulent créer. On a fait des... on a des ressources pour ce monde-là. OK, comment est-ce qu'on fait pour créer un programme d'immersion dans notre paroisse? Donc, si vous habitez dans une paroisse qui n'a pas d'immersion française, et si vous en voulez, ben, il faut que vous le fassiez vous-même? Oui, il y a une partie de notre site qui parle de ça. Si vous allez sur programme, et puis immersion française, il y a des vidéos... un dossier, je crois, pour informer, pour donner un peu d'informations à ce monde-là. Mais ceci dit, c'est des organisateurs dans chaque coin qui décident, OK, on va faire ça, on va trouver des signatures des parents qui ont des jeunes enfants qui vont entrer dans la maternelle ou la première année, et c'est eux qui font le travail. Et on va faire une publication avec tous ces liens dont tu parles, comme ce lien et aussi le calendrier, comme on a fait la mm-hmm. semaine passée, et aussi t'as parlé des métiers français locaux. Donc on va poster ces liens pour mm-hmm. que vous puissiez les voir. Mais mm-hmm. j'ai une question pour toi. Oui, je t'écoute. Pourquoi Codophile? Pourquoi Codophile? Oui, pourquoi tu as choisi de travailler? Quelle grande question. Donc, avant de travailler avec le Codophile, comme Joseph a dit, avant de commencer avec le Codophile, j'enseignais le français. En fait, au début, j'enseignais l'anglais pendant une année scolaire en France avec TAPIF, ce qui est le Teaching Assistantship Program in France. Et ça, c'était pour moi, comme j'ai fait mes études en français et pas forcément l'éducation, à l'université ici à Lafayette, ça c'était pour moi une occasion de de tenter mes chances avec l'enseignement, ce qui m'intéressait depuis longtemps. J'aimais bien l'école, j'étais un assez bon élève, donc enseigner c'était toujours pour moi une possibilité. Donc je suis allé en France et ça c'était pour moi une occasion d'améliorer mon français, d'avoir un petit peu d'immersion pendant une année scolaire et aussi d'enseigner un peu. Et il faut que je dise que si vous vous intéressez au TAPIF, ce programme, c'est vraiment assistant. C'est pas vraiment être professeur, c'est être assistant dans une salle de classe. Donc c'est pas forcément. Ben, parfois, moi je l'ai fait l'année passée et parfois les profs, ils ont pas envie d'enseigner. Donc ils nous laissent seuls avec les élèves et. Et moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires de beaucoup de. Il y a beaucoup de différentes expériences avec TAPIF. Tu étais où en France? Moi, j'étais à Valence. Donc, c'était le département Grenoble, le département académique, mais la région Rhône-Alpes. D'accord. Et pas trop loin de Lyon. Donc, assez bien situé. Donc, ça, c'était pour moi une occasion d'essayer l'enseignement. Et à la fin, je me suis dit, je veux continuer. Donc, tout de suite, j'ai trouvé un poste dans une école privée ici à Lafayette. Et je me sentais bien chanceux. Et c'était une bonne expérience pendant 2 ans d'enseigner. Ça m'a donné tellement de beaux souvenirs. Mais finalement, avant de faire ma vie dans l'enseignement, je voulais voir ce qui était possible avec le français hors la salle de classe. Il me semblait que ça bougeait un peu et je voulais voir, OK, qu'est-ce qui est possible avec le français hors de l'enseignement. Donc, pour moi, le Codophile, c'était mon premier choix. Ça, c'était vraiment le rêve. Moi, j'ai reçu une bourse Codophile et je connaissais assez bien la valeur de ce travail et la mission du Codophile. Donc, pour moi, c'était une simple question de « OK, je veux travailler avec le français en Louisiane, je veux travailler avec le Codophile. » Comme ça, c'est une des acteurs de la francophonie louisianaise qui date de 50 ans. Mm-hmm. Donc, pour moi, le Codophile représentait et représente, ça continue à représenter pour moi une manière de contribuer, de promouvoir, de développer ce qui m'a donné tellement de richesse dans ma vie à moi. Comme j'ai constaté dans ma petite biographie, c'est que pour moi, très personnellement, le français en Louisiane m'a donné des racines. Je suis pas né ici, j'ai pas de famille francophone, mais la langue française fait une grande partie de pourquoi je me sens chez moi en Louisiane. Mais en même temps, ça m'a donné tellement d'opportunités à voir le monde et à rencontrer du monde un peu partout. Donc, oui, c'est ça. Ça me fait penser à c'est une citation de Albert Camus, je crois, qui dit « Ma patrie, c'est la langue française ». Oh là là, très bien cité. C'est une doctorat d'études françaises. Ah bah oui, bien ça sûr. Ça te donne des bonnes citations. C'est vrai. Yeah. Elle connaît des citations. Yeah. Alors, Maggie, elle a parlé un peu de... Codophile existe depuis 50 ans. Alors, cette année, c'était la 50e année de Codophile. Ça a été créé en 1968. Yep. Right. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en 68. Yeah. Like, si vous regardez dans l'histoire du monde, 68, c'était intéressant, j'imagine. Peut-être 2068 serait très, très grand aussi. Peut-être que oui, il me semble que attendre. Oui. On a 50 ans à attendre. Yeah, tous les 50 ans. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant cette année pour genre, célébrer cet anniversaire énorme? OK, en fait, je vais laisser Matt faire la première partie du mois, parce que moi, j'ai commencé une chose que le Codophile a fait pour 50 ans, ils ont embauché Maggie Perkins. Oh, c'est ça que je veux dire. Alors, donc, je faisais pas partie de l'équipe en janvier jusqu'en avril. Là. J'ai commencé en mai. Donc, et je sais qu'ils ont commencé en janvier. Moi, j'ai été, même si j'étais pas je faisais pas partie de l'équipe, mais j'ai assisté à un événement en janvier pour le 50e du Code of Field, qui était la première du choix de Théo, le documentaire Théo's Choice, le choix de Théo sur l'immersion en Louisiane. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Oh man, OK, ça c'est une grande question. Comme cette année, c'était tellement, tellement occupé. Pensez au mois de janvier, ça me semble comme like, il y a 5 ans. On était si occupé cette année. Donc oui, on avait pas mal d'événements pour marquer le 50e du Code of Field, et on a commencé au début de l'année, mois de janvier, avec cet événement que Maggie a mentionné, il me semble que c'était la première à Lafayette du documentaire qui s'appelle Le choix de Théo, qui c'est un documentaire qui touche le sujet de la langue française en Louisiane actuellement. Donc, on a commencé par là. Le mois d'avril, on avait beaucoup de présence pendant le Festival international, mm-hmm. ce qui a du sens, comme le Code of Field était un des premiers partenaires du Festival international à Lafayette. Il n'y avait pas quelque chose en février? Oui, au Old State Capitol. Oh, bah oui, il y avait une exposition sur le Code of Field, l'histoire du Code of Field, qui a eu son vernissage le mois de février au Old State Capitol à Baton Rouge. Et ça, c'était. Et ici, je peux constater ce fait que. Tout au long de cette année, ce qui m'étonne, c'est cette volonté de nos partenaires, les partenaires du Code of Field d'un peu partout, qui veulent célébrer cette occasion, le 50e du Code of Field. Je peux pas dire combien de fois cette année il y avait un partenaire ici en Louisiane ou ailleurs aux États-Unis ou à l'étranger, Canada, France, Belgique, un partenaire qui est venu vers le Code of Field pour dire on veut faire quelque chose pour le 50e. Ce qui est complètement remarquable, à mon avis. Ça, c'est bouleversant le soutien pour le Code of Field d'un peu partout. Et à tous les niveaux aussi. J'aimerais prendre cette opportunité pour faire un shout-out à tous les bénévoles qui ont fait Festival International, Festival Acadien Créole. Merci. Les bénévoles qu'on a eu souvent, ce sont des profs ou des étudiants en français. Et c'est incroyable. Quand on avait eu des problèmes ici et là, « Oh, en fait, on a besoin de plus de bénévoles. Oh no! » Tout de suite, il y avait une petite armée de monde qui a des idées, OK, on peut faire, et ils sont incroyables. Merci. Yeah, on avait une réunion pour les enseignants Code of Field, ce qui veut dire à peu près 30 ans des enseignants recrutés par le Code of Field pour venir en Louisiane pour enseigner le français dans le système d'immersion. Et moi, ce qui était assez drôle, c'est que un peu partout, j'ai trouvé ces histoires des comme like Codo Baby, donc des enfants, des anciens enseignants Code of Field qui sont venus en Louisiane pour enseigner. Et on arrive encore à ce moment où il y a toute une génération des bébés produits par les enseignants Code of Field. Codo Baby, hashtag. Exactement. Yeah, publiez vos photos dans les commentaires. Codo Baby fier. ce qui montre pourquoi il y a tellement de soutien pour le Code of Field. Pour beaucoup de monde, le Code of Field est beaucoup plus qu'une agence étatique. C'était l'agent pour changer la vie. Ce que moi j'ai vécu avec une bourse, c'était le Code of Field qui était l'agent pour changer ma vie. Donc pendant cette année, tous ces événements, tous ces rassemblements du monde autour du Code of Field, on a remarqué ce soutien. Et on est super reconnaissant. On vous remercie tout. Je vais oublier quelques événements comme c'était vraiment une année occupée. Mais Maggie, qu'est-ce que j'ai oublié comme événement? Plus tard, on faisait partie, OK, depuis mon arrivée, on faisait partie des célébrations de la Bastille, avec Festival International et d'autres organisations, Alliance française, le 14 juillet. Et puis, on a fait, on a organisé une exposition pendant le mois de septembre jusqu'au début des festivals acadiens créoles. Mais il y avait un événement à Old State Capitol au début de novembre. C'est Franco-Fête. Franco-Fête, oui. Yes, la Fête Louisiane. Oui, la Fête Louisiane. Il y a quelque chose qui s'appelle Franco-Fête aussi, ce qui est une célébration pour la Fondation Louisiane, qui était en octobre. Ça arrive toutes les années. Mais il y avait trois expositions d'art. Ça, c'était intéressant. Il y avait trois expositions. Ils ont essayé de trouver 50 artistes en Louisiane qui voulaient monter une œuvre d'art inspirée par la Louisiane francophone. Ils en ont trouvé quoi, 70 ou quelque chose comme ça? À un moment donné, il fallait dire non aux artistes, comme il y avait tellement d'artistes. Et ça, c'était organisé par Louisiana Crafts Guild, notamment ici un petit shout-out au Bernal Lemoyne et Sandy LaBrie. Donc, ça s'est passé à Baton Rouge, à Lafayette et à Alexandrie. La première fois, c'était à Alexandrie, dans le Alexandria Museum of Art. Deuxième fois, c'était à Vermillonville, dans l'entrée, là. Il y a une petite salle d'expo. Et puis, le troisième, c'était Rural Life Museum à Baton Rouge. Donc, c'était une sorte d'exposition ambulante. Mais il y avait des différents artistes dans chacun. Oui. Parce qu'ils avaient tant d'œuvres, il fallait trois expos. Yeah. Et donc, on a résumé l'année 2018. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir l'année 2019? Donc, impossible de parler de l'année 2018 sans mentionner l'adhésion de la Louisiane à l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, au mois d'octobre de cette année, pendant le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, la Louisiane a été acceptée à cette grande table de la francophonie mondiale. Donc, ça veut dire que la Louisiane est officiellement reconnue comme un endroit francophone. Donc, ça, c'était peut-être la plus grande nouvelle de 2018 pour la francophonie louisianaise. Et 2019, le gros dossier pour 2019, c'est la francophonie. Donc, c'est commencer à tisser des liens avec la francophonie et ses membres, comme c'est un rassemblement mondial, donc ça va prendre du temps à établir des liens de communication. Et puis le travail, c'est commencer à travailler des projets avec les membres de la francophonie. Donc, ça, c'est 2019, en gros. Okay. C'est une des choses qui est tellement grande que c'est proche, difficile à dire. Ça va dépendre de quel partenaire on trouve dans, c'est combien de pays dans la francophonie? 80, proche, ou quelque chose comme ça? Oui, je crois, il y a 88. Donc, ça va dépendre de qui sont nos partenaires dans l'avenir et quel projet ils nous apportent, quel projet on peut apporter à eux autres, puis... Mais ce qui est assez intéressant, c'est même, ce n'est même pas juste le code de fil, mais un peu partout parmi les acteurs dans la francophonie louisianaise, il y a des choses qui existent déjà qu'on pourrait proposer aux membres de la francophonie. Par exemple, le projet que Maggie a fait, l'initiative Oui de Franco-Responsable, cette idée de valoriser le français dans un milieu économique. Moi, je vois des possibilités à travailler avec des partenaires au Canada ou en France ou en Afrique ou on ne sait pas où, pas encore. Il y a aussi, il existe déjà un consortium des universités louisianaises au sein du CODOFIL et une partie de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est l'association des universités francophones. Donc, il y a déjà des choses en place en Louisiane, prêtes à augmenter, mm-hmm. à développer. Donc, il y a 2019, ça va être que le début pour le travail avec la francophonie. Beaucoup de choses à faire. Oui, beaucoup de choses. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? C'est pas une grande plateforme qu'on a, mais on a une plateforme quand même. Hey, ça commence. Moi, je tiens à vous remercier. C'est ce genre de choses, ce qui est super impressionnant, à mon avis. C'est juste, on veut faire notre part. Donc, super bien fait, à mon avis. Et quand on parle assez souvent au bureau de « Man, ça bouge cette année 2018 mm-hmm. avec... Mm-hmm. » C'est pas juste la francophonie ou le 50e du Code of Field, c'est il y a cette énergie qui dépasse tout cela. Donc, c'est vraiment cool. Donc, mm-hmm. Merci de nous avoir invités. Moi, je suis 100% d'accord. j'adore travailler pour le Code of Field et chaque jour au travail, c'est j'aime beaucoup, mais j'aime même plus quand je vois d'autres mondes qui décident « Hey, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? On va faire ça! » Et puis, ils font ça. Et c'est et ça. Nous voilà. Ça, c'était nous autres. Ouais. Bouleverse. Ah, Beer Garden. C'est vous autres. Et yeah. Si le monde continue à faire ça, je crois qu'on a un bel avenir qui nous attend. Yeah, absolument. Mm-hmm. Cool. Ouais, on va vous remercier d'être venu. Merci à vous. Merci à vous autres. Ici à Chalevet, on soutient bien Code of Field, tout ce que vous faites pour la communauté francophone en Louisiane. Chase, au revoir, c'est merci tout. D'être venu. Oui. Au revoir, vous autres. À la prochaine épisode. Oui, merci. Bye bye. Merci à vous.